إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes toujours donc dans la série de cours d'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah, explication faite par notre noble savant Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits points. Juste par rapport aux sœurs, si le son est pas suffisant de leur côté, eh bien elles peuvent se mettre à l'arrière de la mosquée comme on le fait dans les cours anglophones, si évidemment elles ont un habit qui est conforme à l'habit islamique. Et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc on demande, alhamdoulilah, on n'est pas beaucoup ici, donc on n'aura pas le problème de qu'on soit proche les uns des autres. Donc si le son n'est pas bon, eh bien elles peuvent rentrer de ce côté-ci et se mettre dans le fond de la mosquée comme cela se fait pour d'autres cours. Deuxième chose, il y avait une traduction d'un verset du Coran. Mon frère, un des frères ici qui assiste au cours a attiré mon attention sur le fait que j'aurais traduit ça par, et vous revenez au cours précédent, c'était page, pour ceux qui ont la même édition que moi, que du Majma' Fatawa, ouais, c'est 384. Pour l'autre, je ne sais pas, il faut que vous regardiez. Et c'est qu'on avait parlé du verset 384, hein. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى. Hein, c'est celui-là qu'on avait dit. Hein. Apparemment, j'aurais traduit ça par « Et lorsque ton Seigneur appellera Moussa, Moïse. Hein. » On a vérifié dans la traduction. « À la koulihal », moi je ne me souviens plus de comment je l'ai traduit. Si c'est le cas, eh bien, la correction correcte de verset Shu'ara, verset 10, c'est « Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, ni Moïse. » D'accord ? Ça, c'est une petite correction. Maintenant, on revient au cours précédent. Vous vous souvenez, on avait eu le point sur la vision d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une chose que je devais demander à Cheikh Falah Ismail. Et alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de lui demander. Donc, j'ai la réponse pour vous aujourd'hui. Et c'était sur la vision d'Allah Azza wa Jal. Et c'était page 389 de mon édition à moi ici. Quand on parle de la vision d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Et on est arrivé à la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il avait cité deux versets du Coran. Il avait dit « Ma kadab al-fu'adu ma ra'a » Et puis il avait cité l'autre verset « Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra » Et par rapport à la parole du Cheikh Rabi' qui dit « Annahu ra'a rabbahu bifu'adihi marratayn » Qu'il a vu son Seigneur deux fois avec une vision de quoi ? Du cœur. D'accord ? Et puis juste après, il a rapporté le hadith de Masruq quand il a demandé à Aisha radiallahu anha sur la vision. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « C'est sûr ». Hein? Jibril alayhi salam. J'ai lu ce passage là, Cheikh Falah Ismail. Il a dit que la réponse est très simple, c'est tout simplement que les salafs ils l'ont expliqué comme ça et également comme ça. Donc ils l'ont expliqué comme étant la vision d'Allah Azza wa Jal et aussi comme la vision de Jibril alayhi salam. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Parce que ma question c'était précisément pourquoi Cheikh Rabi' il a rapporté cette parole d'Aïcha radiallahu anha alors qu'il venait juste de rapporter que c'était la vision d'Allah Azza wa Jal. Il a dit c'est juste pour dire que. Les salafs l'ont expliqué de cette manière et de cette manière-là aussi. D'accord ? Donc là, on a notre réponse par rapport à cette question-là. Et donc maintenant, on commence le nouveau chapitre qui est « Al-Iman ou Bil-Mizan Yawm Al-Qiyamah ». Donc, c'est quoi le numéro de page que tu as, toi, Ali, là, dans cette édition-là ? 31, hein, page 31. Et pour mon édition, moi, du Mujma' Al-Fatawa de Cheikh Rabi', c'est 391. الإمام أحمد رحمه الله يقول والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. هذا حديث متفق عليه كما إن شاء الله. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته. Alors toi ici dans ton édition, qu'est-ce que tu as? Tu as radda dhalik ou radda li dhalik? Aussi, hein? D'accord. Donc l'imam Ahmed, quand il fasse miséricorde, il dit dans son épître qu'il a appelé Usul Sunna, les fondements de la Sunna, et la foi en la balance. On avait dit que Cheikh al-Bukhari, rahmallah, il disait chaque fois, et, c'est-à-dire que c'est quoi, hein, en arabe? Un atf, c'est-à-dire que c'est une coordination, et, pourquoi? Parce qu'on a commencé le livre en disant, Usul Sunna ti'indana, tamassuku bima kana ali ashab wa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'on arrivait à ce point-ci maintenant. Donc les fondements de la Sunna sont chez nous, le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et puis, et jusqu'à on arrive maintenant au point sur la balance le jour du jugement dernier. Et la foi en la balance le jour du jugement dernier. Comme cela a été rapporté, le serviteur sera pesé le jour du jugement dernier. Et il ne pèsera pas le poids de l'aile d'un moustique. Janaha ba'udatin. C'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari, dans son authentique livre de l'exégèse, Kitab al-Tafsir, hadith numéro 4729, et Muslim. Dans son authentique également, livre de la description du jugement dernier et du paradis et de l'enfer. Et c'est le hadith numéro 2787. Puis il continue l'imam Ahmad en disant, rahimahullah, et les actions des serviteurs seront pesées comme cela a été rapporté dans le texte. Et la foi en cela, et y croire, et se détourner de celui qui rejette cela, et délaisser le fait de débattre avec lui. Maintenant l'explication de Cheikh Rabi'a de ce point-là. Il dit, « وَالْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ يُوزَنُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ الْجَنَاحَ بَعُوضَةٍ يُؤْتَ بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وهذا فيه دليل على أن الأشخاص يوزنون وورد في حديث ثابت أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه ارتقى على شجرة الأراك وكان دقيق الساقين فتعجبوا من دقة ساقيه فقال لا تعجبوا من دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد هذا دليل على أن الأشخاص يوزنون وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن. Donc Cheikh Rabi'i nous explique ce passage là en disant, et la foi, il reprend évidemment la parole de l'imam Ahmed, et la foi en la balance, hein, al-mizan, retenez les mots en arabe aussi, al-mizan, le jour du jugement dernier. Comme cela a été rapporté, de qui évidemment? Du prophète, alayhi salatu wassalam, le serviteur sera jugé le jour du jugement dernier et ne pèsera pas le poids d'une aile d'un moustique. Et puis il dit, Cheikh Rabi, hafidahullah, il dit, un homme immense, obèse, sera amené, alaykum salam, et il ne pèsera pas plus du poids de l'aile d'un moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a en cela, quoi évidemment ici? Et vous comprenez la munasaba, si vous voulez. Pourquoi Cheikh Rabi a apporté ce hadith par rapport au titre du chapitre? C'est quoi? C'est qu'il y a dans ce hadith une preuve de quoi? De la balance. Naam. Il dit quoi? Il dit, un homme immense, obèse, sera amené, il ne pèsera pas plus du poids de l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Il y a en cela une preuve que les personnes seront pesées. Et ça, c'est important à comprendre. Hein? Que les personnes seront pesées. Et il a été rapporté dans un hadith authentique qu'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ardah, est monté sur un arbre d'arak. Et il avait de fins mollets. Hein? Ils ont donc été surpris de la finesse de ces mollets. Il dit, c'est qui parle ici? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Ne vous étonnez pas de la finesse de ces mollets, car ils sont plus lourds dans la balance que la montagne d'Uhud. Hein? Je vous donne la référence, rapportée par Ahmed dans son Mousnad, avec la correction d'Ahmed Shakir. Pour les frères et les sœurs qui ne connaissent pas Ahmed Shakir, c'est un grand savant parmi les savants d'Al-Sunna al-Jama'a, qui est un savant égyptien. Il est mort, rahimahullah. Hein, et il a fait notamment quel livre qui est très connu, d'ailleurs que vous lisez ici lundi soir avec Abu Hakim. C'est Umdat al-Tafsir, qui est quoi? C'est quoi? C'est ça, c'est un résumé du Tafsir d'Ibn Kathir qu'il a fait lui-même, Ahmed Shakir, rahimahullah. Il s'appelle Umdat al-Tafsir. Il a fait notamment une correction de Sunan al-Tirmidhi. Il a fait notamment une correction de quoi? De Moussa l'imam Ahmed. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, il le respectait beaucoup. Il donnait beaucoup de valeur à Ahmed Shakir, notamment vis-à-vis de la science du hadith. D'accord? C'est pour montrer un peu le niveau et quelle était cette personne-là, Ahmed Shakir, rahimahullah. C'est hadith numéro 3991. Et Ahmed Shakir, justement, rahimahullah, a dit sa chaîne de transmission est authentique. Et Cheikh l'Albani, rahimahullah, l'a rapporté également dans son recueil d'ahadith authentique qu'on appelle Silsilat al-Ahadith Sahiha, qui est là-bas dans le fond, qui est en 11 volumes. Hein. Vous avez la Silsilat al-Sahiha qui est en bleu et Daifa qui est en rouge. Hein. Cheikh l'Albani, d'ailleurs, les appelait Adda ou Addawa, le mal et son remède. Hein. Donc, vous avez 11 volumes pour le Hadith Sahiha en bleu et 20 volumes qui est complet maintenant pour les Ahadith Daifa, ou le Mawdu'a d'ailleurs aussi. À la kulli hal. Dans son recueil de hadiths authentiques, le hadith numéro 3192 et 2750. Maintenant, continuons dans la parole de Cheikh Rabi, il dit, Hafidhahullah, ceci est une preuve que les personnes seront pesées. Quant aux actions, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'elles soient pesées. D'accord ? Al-Mu'tazila wal-Jahmiya wa ahlul-dalal yunkiruna al-mizan al-mahsous. ردوا الوزن العدل هذا قول معتزلة والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال ينكرون الميزان. Donc les معتزلت et les جهمت et les gens de l'égarement renient la balance. On va traduire cela par physique si vous voulez. محسوس. Hein? Ils ont renié la pesée juste. Cela est la parole des معتزلت et des جهمت et de ceux qui sont d'accord avec eux parmi les gens de l'égarement. Ils renient la balance. Alors maintenant, on voit, par rapport à cette parole-là, pourquoi l'imam Ahmed l'a rapporté dans son livre, qui est quoi ? Les fondements de la sunna. Et encore une fois, c'est un des signes distinctifs des gens de la sunna et des gens qui ont la correcte croyance, c'est de croire au mizan, à la balance. D'accord ? Maintenant, on va parler un peu plus en détail. Il dit « Wal mizan lahu kiffatan tuzanu fiha al-a'mal. Wa hadhihi min al-adillah, hadith sijillat, alladhi yati. » يعني يخبره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله فإذا بها في 99 سجلا تملأ ما بين السماء والأرض ثم يقال هل لك عمل هل لك من خير هل لك من عمل فيقول لا يا ربي فيقول بل لك عندنا حسنة ولا يظلم ربك أحدا فتوضع لا إله إلا الله في كفة وتوضع هذه السجلات 99 سجلا في كفة فترجح بهما لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. Donc, Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى, il continue en disant, et la balance a deux plateaux, ce qu'on appelle en arabe kiffa, له كفتان, pour le muthana en arabe, deux plateaux. Donc, vous retenez le terme aujourd'hui, c'est al-mizan, la balance. نؤمن بالميزان وله كفتان. On croit à la balance et qu'il y a deux plateaux. Et la balance a deux plateaux sur lesquels les actions seront pesées, sont pesées. Et ceci fait partie des preuves. Le hadith des registres, ce qu'on appelle hadith ou sijillat. Le hadith des registres qu'on va voir, inshallah. C'est-à-dire qu'Allah l'informe et lui présente ses actions qui sont dans 99 registres, qui remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Puis il sera dit, as-tu une action ? As-tu un bien ? As-tu une action ? Il dira alors, hein ? Non, mon Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il va dire ? Hein ? Tu as certes une bonne action auprès de nous. Et c'est là qu'on voit vraiment l'importance d'étudier le tawhid. Et d'étudier le sens de cette parole, la ilaha illallah. Akum salam wa rahmatullah. Cette parole importante, que l'attestation, une des deux parties de l'attestation de foi, c'est quoi ? C'est « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ». La ilaha illallah. On a déjà expliqué dans plusieurs de nos cours, dans Usul Talata, dans le Hachar Hadith Jibril aussi, qui est traduit sur notre site et dans d'autres cours, hein, le sens de cela. « La ma'abouda bihaqqin illallah ». Nul n'est en droit d'être adoré avec vérité à part Allah. Donc vous voyez l'importance de cette parole. Écoutez la suite du hadith. Tu as certes une bonne action auprès de nous, et ton Seigneur n'est injuste envers personne. La ilaha illallah sera alors placée sur un plateau. Et ces 99 registres seront placés sur un plateau. La ilaha illallah surpassera en poids, car rien ne pèse vis-à-vis du nom d'Allah. Je vous donne la référence du hadith. Le hadith est rapporté dans Sunan Tirmidhi, numéro 2639, et Ibn Majah, numéro 4300. Et jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Puis Cheikh, il continue en disant, وقد ورد في حديث لو وضعت السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. Il me rapporte une autre preuve et il dit quoi? Il dit, et il était rapporté dans un hadith, si les sept cieux et ceux qui s'y trouvent, et les sept terres et ceux qui s'y trouvent, dire qu'est-ce qu'on peut prendre? Cheikh, il n'en parle pas ici, mais qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est ce que Cheikh Al-Uthaymin dit aussi d'ailleurs, rahimahullah, c'est qu'il y a combien de terres? Sept. Si les sept cieux et ceux qui s'y trouvent, et les sept terres et ceux qui s'y trouvent, étaient placés dans un plateau, et la ilaha illallah dans un plateau, eh bien la ilaha illallah pèserait plus lourd. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmed dans son Mousnad, avec la correction encore une fois d'Ahmed Shaikir, rahimahullah ta'ala, numéro 6583. Et il a dit, Ahmed Shaikir, qu'Allah le récompense par le Firdaus A'la, il a dit que sa chaîne de transmission est authentique. Puis Cheikh Rabi' il va terminer ce chapitre en disant, Al-Shahid, an al-mizan thabitun fil kitab wa sunnah. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Il rapporte un verset de sourate l'Anbiya et il dit, Cheikh Rabi' hafidhahu Allah, ce qu'il faut retenir, c'est que la balance a été affirmée dans le Coran et dans la Sunna. Donc maintenant vous avez des quoi? Des preuves de la Sunna qui ont été citées, et maintenant il va vous citer des preuves du Coran. C'est important de mémoriser au moins certaines de ces preuves. Pourquoi? Pour qu'on puisse construire notre croyance sur des preuves, et aussi pour qu'on puisse expliquer ça autour de nous et qu'on puisse donner des preuves lorsqu'on parle de ce point-là. Et il cite un verset dont la traduction du sens est « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Sourate l'Anbiya, verset 47. Il y a un Coran français ici dans la mosquée ou pas? Tu sais le prendre, Barakallahu fik. Regardez. C'est pas Sourate l'Araf, ça. Non, un autre verset qu'il va citer après, mais c'est pas Sourate l'Araf. Laisse. On verra après, Inch'Allah. Parce que la référence, je crois qu'elle est pas bonne. Puis c'est un autre verset qui dit « وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ » Puis c'est encore un autre verset qui dit « فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّادِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ » Pour le deuxième verset, on va attendre la traduction, mais on va déjà traduire le troisième ensemble, inshallah. Quant à celui dont la balance, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire destination, est un abîme très profond. Sourate Al-Qari'ah, verset 6-9. Pour le deuxième verset, quelle référence tu as dans ton livre, toi, Ali? Non, juste avant, le verset après Sourate Al-Anbiya. Ils disent Araf 103. Moi, je ne suis pas sûr. Regarde l'Araf 103. Mais je dis que c'est pas ça. On continue en entendant. ومع الأسف سيد قطب والله ينكر الميزان ينكر رؤية الله وصار مع الجهمية ومع المعتزلة في كثير من العقائد والله هذا حاصل ونحن نقول هذا لئلا يخدع الناس بكتب هذا الرجل فإنها والله مليئة بالضلالات يا إخوة والله في أسس الأسس وأصول الأصول سيد قطب يتخبط وضايع وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير منزلته فلا تجد المعتزلي والجهمي في بدعة إلا شاركهم فيها وجلاها لهم ووضحها مع الأسف فهو ينكر الميزان والعرش وأشياء كثيرة مآزق والله. Donc Cheikh Rabi' il continue en disant, malheureusement سيد قطب renie la balance, il renie la vision d'Allah et est avec les jahmites et les mu'tazilites dans beaucoup de croyances. Et ça, c'est important de comprendre ça et de lire ça. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre plus en détail que Cheikh Rabi' et tous les savants de la Sunna, quand ils parlent sur quelqu'un, ils parlent parce qu'ils doivent parler. Parce qu'ils parlent pour mettre en garde sur des égarements qui sont dangereux. Regardez de quoi on parle ici. On parle de croyances, des points de la croyance qui touchent la croyance des gens de la Sunna. Il dit quoi? Il dit, malheureusement, cette Qutb renie la balance. Il renie la vision d'Allah, dont on a déjà parlé, et qui fait partie des fondements de la Sunna. Et est avec les jahmites et les mu'tazilites dans beaucoup de croyances. Par Allah, c'est quelque chose qui existe. Et nous nous disons cela afin que les gens ne soient pas trompés par les livres de cet homme. Car par Allah, ces livres sont remplis d'égarements. Oh frère, par Allah, dans des fondements et des bases. Puis il continue en disant, cette qutub divague, patauge et s'est perdue. Et beaucoup de jeunes vont se perdre à cause de leur vénération de cette qutub et du fait de lui donner une position, un degré qu'il ne mérite pas. Puis il dit, tu ne trouveras de mu'tazilite ni de jahmite au sujet d'une innovation sans qu'il n'y soit associé à eux, hein, c'est trop tôt, et qu'il ne l'ait exposé et clarifié pour eux, malheureusement. Donc il renie la balance et le trône, l'arche, et beaucoup de choses. Puis il termine ce chapitre par cette phrase, il dit, wal iman bil mizan yawm al qiyamati kama ja. Et ça c'est évidemment la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Puis Cheikh Rabi' il dit, al mu'tazila wal jahmiya wa ahlu dalal wal batiniya yunkiruna hadi al ashya. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. عرفتم ما يقال في المجادلة. Cheikh Rabi, il termine ce passage en disant, et la foi dans la balance le jour du jugement dernier comme cela a été rapporté. Les mu'tazilites et les jahmites et les gens de l'égarement et les batinites renient ces choses. Et la foi en cela, et là il continue la parole d'Imam Ahmed évidemment, et la foi en cela est y croire et se détourner de celui qui rejette cela et délaisser le fait de débattre avec eux. Vous savez ce qui a déjà été dit au sujet du débat. Vous savez ce qui est dit au sujet du débat, parce qu'on a déjà parlé de, plusieurs fois, au début du livre, et dernièrement d'ailleurs aussi, dans le dernier cours. Et puis Cheikh, il rapporte un nouveau chapitre, et on va s'arrêter après ce petit chapitre-là, avant de commencer un autre chapitre, sinon ça va faire trop de nouveaux sujets pour vous. Et c'est un chapitre qui est un point très important aussi, c'est Taklimullah li ibadihi yawm al-qiyamah. Alors de quoi on parle ici? Eh bien c'est quoi? C'est que le chapitre qui s'attache à étudier la parole d'Allah adressée à ses serviteurs le jour du jugement dernier. Alors je vous donne une petite faïda que Cheikh Falah Ismail nous a donnée l'autre jour quand je parlais avec lui de Usul Sunnah. Il disait que quelqu'un parmi les chours, il ne voulait pas dire de nom Cheikh Falah, il a dit que quand il arrivait il expliquait Usul Sunnah, et quand il expliquait ce passage, il a dit, c'est une erreur de l'imam Ahmed, de ne pas avoir, ça aurait été mieux s'il parlait de le kalam, tout au même endroit du livre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé de le kalam, vous vous souvenez qu'on a déjà parlé du kalam. Et puis maintenant il reparle de quoi ici? Taklimullah li'ibadi yawm al-qiyamah. Et Cheikh Falah, ça lui a fait mal au cœur ça. Il a dit, Annie, je devais répondre à ça, et c'est ce qu'il a fait dans son livre, Usul Sunnah, qui va être bientôt imprimé, Inch'Allah. Donc la manière dont il répond, ce n'est pas encore exactement en détail. Regardez, le Mounassab, elle est claire, c'est ce que j'ai dit au Cheikh, je dis pourtant c'est clair. De quoi on parle ici? Regardez avant, c'est quoi le chapitre? Bien sûr, on parle du jugement dernier ici. Mais comme il a dit, Cheikh, il a dit des fois, des gens veulent se... Je dis que l'imam Ahmed, Annie, c'est une erreur de sa part. Il faut dire, c'est la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que moi j'ai pas compris que l'imam Ahmed il a compris. C'est comme ça que ça doit être normalement. Avant de se placer dans une situation de quelqu'un qui critique. C'est quelqu'un sur qui on doit douter, c'est nous ou bien c'est l'imam Ahmed? C'est une petite faïda que j'ai voulu rapporter, que Cheikh Falah il a rapporté à la Koulihal. Donc on rentre dans le... vous voyez là, la jalousie de Cheikh Falah pour l'imam Ahmed et les gens de la Sunna. L'imam Ahmed, rahimahullah, il dit وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَ بَيْنَهُ تُرْجُمَانِ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِقُ بِهِ. Donc, très petit chapitre ici, ou peu de passage de Usul Sunnah. Et, encore une fois, et, pourquoi? Parce que ça fait partie des fondements de la Sunnah. Et qu'Allah, le Très-Haut, parlera aux serviteurs le jour du jugement dernier, sans qu'il n'y ait entre lui et eux un interprète. Et la foi en cela est y croire. Explication de Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala de ce passage. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman. Donc il rapporte un hadith qui dit, personne d'entre vous ne sera sans que son Seigneur ne lui parle, sans qu'il y ait entre lui et son Seigneur un interprète. Ce hadith est rapporté par le Bukhari, numéro 6539, et Muslim, numéro 1016. Donc c'est un hadith qu'on appelle « Muttafaqun alayh ». وسمعتم ينادي الرب تبارك وتعالى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص سورة فصلت ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون سورة القصص. Ici deux versets du Coran, et avant ça il dit « Et vous avez entendu que le Seigneur appellera hein, ». Vous comprenez ce terme arabe ici ?« Yunadi », ce qu'on appelle en arabe quoi ?« An-nida ». « An-nida », le fait d'appeler. D'accord ? Vous allez voir pourquoi il a rapporté ce verset-là par rapport au titre du chapitre. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et le jour où il les appellera ». C'est qui il ? Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il les appellera. Où sont mes associés? Ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous. Et ce qu'auparavant ils invoquaient les délaissera, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. Surat Fussilat, versets 47 et 48. Puis rapporte un autre verset de Surat Al-Qasas, dont la traduction du sens est, et le jour où il, encore une fois, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Surat Al-Qasas, verset 62. Cher, il continue en disant, وَالنِّدَى, hein, le terme en arabe que j'ai utilisé, النِّدَى, le fait d'appeler, لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ وَهُوَ الْكَلَامِ وَيُنَادِي أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ رَضِيتُمْ هَلْ أَزِيدُكُمْ فَيُكَلِّمُوا يَتَكَلَّمُ يكلم الأفراد سبحانه وتعالى ويكلم كل أحد بغير ترجمان ويكلم الجميع فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا وهذا من صفات كماله ويكلم الأفراد يوم القيامة وكلم موسى عليه الصلاة والسلام وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام وكلم جبريل عليه السلام ويكلم الملائكة تبارك وتعالى وهو من صفات الكمال الشاهد أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة. Donc, qu'est-ce que Cheikh Rabi, hafidahullah, il nous dit en guise d'explication de ce passage, il dit l'appel, hein, et le jour où il les appellera. Il y a donc ce qu'on appelle un nida, un appel. Et il dit l'appel ne peut être qu'à fait qu'avec une lettre et un son. Et c'est ce qu'on appelle la parole, le kalam. Et il appellera les gens du paradis. D'accord ? Êtes-vous satisfait ? Vous rajouterai-je ? Hein ? Hal azidukum ? Il adressera donc la parole et parlera. Et s'adressera, il s'adressera aux gens et s'adressera à chacun sans interprète. Il s'adressera à tous, subhanahu wa ta'ala. Allah est qualifié par cette perfection de façon éternelle. Et ceci fait partie de ses attributs de perfection. Et il parlera aux gens le jour du jugement dernier. Et il a parlé à Moïse. Et il a parlé à Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et il a parlé à Jibril, alayhi salam. Et il parle aux anges. Et cela fait partie de ses attributs de perfection. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'adressera ou adressera la parole aux croyants le jour du jugement dernier. Et avec cela, on aura fini le cours d'aujourd'hui. Je sais qu'il est un peu court, mais... J'ai pas voulu trop vous rapporter à la kulli hal. Prochain chapitre, ce sera inshallah l'imanu bil hawdi wa sifatuhu, c'est-à-dire la croyance au bassin et sa description. Et puis on va rentrer inshallah dans l'imanu bi adab al qabr, c'est le chapitre qui s'attache à étudier la croyance au châtiment de la tombe. Wa jazakum Allahu khairan wallahu a'lam. Oui, on va rapporter c'est sourate Al-Mu'minun. Donne-moi le verset. Je savais que c'était pas sourate Al-A'raf. C'est 103. Hein? Donc pour le deuxième verset qu'on a rapporté tout à l'heure, dont la traduction du sens est « Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. » Et c'est donc surat al-mu'minun, verset 103, et ce n'est pas surat al-A'raf. Donc vous corrigez, barakallahu fikum, j'ai pas eu le temps d'écrire cette traduction, al-mu'minun. Verset 103. Ça va? Wa jazakum Allahu khairan wallahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et juste un point aussi, c'est par rapport, j'ai fini de traduire un livre d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle Une règle dans la patience et dans le remerciement. D'accord? Ça fait longtemps que je l'avais fini, mais j'attendais de lire un passage à Cheikh Falah Ismail, ce qui est un passage qui pourrait être compris de manière erronée. Alhamdulillah, ça a été fait, on a traduit. Alhamdulillah, ça fait, Cheikh Falah, il a fait 2 pages, je crois, en français d'annotation sur ce passage-là. Et donc, je suis en train de le revoir. Et dès qu'il sera disponible, je le mettrai sur le site. Et un jour, on le fera en cours, Inch'Allah. Il fait 22 pages, donc ce sera peut-être un grand cours ou peut-être 2 petits cours à la Kulihan. Peut-être on le fera à la Daura, on verra quand on le fera, Inch'Allah. Il y a un autre livre que je voudrais absolument faire avec vous aussi. C'est 10 règles dans l'istiqama de Cheikh Abd al-Zaq al-Badr, qui est disponible déjà sur notre site en écrit et en audio parce que je l'ai fait en Belgique. Mais j'aimerais quand même le faire avec vous ici parce que c'est un livre très très important que les gens ont beaucoup aimé en Belgique. Il est plein de fawa'id. Et donc, pour le prochain cours, samedi prochain, si Cheikh Falah Ismaël n'a pas commencé ses cours avec nous ici. Parce qu'évidemment, si Cheikh Falah fait cours, hein, qu'est-ce qu'on va faire nous, hein? On va s'asseoir, on va écouter, Inch'Allah. Jazakumullah khairan.